baby, coucou, ça va? C'est que t'es beaucoup pas mal. Un gros ange de schlata. À Dubaï, je suis au tata. Baby, coucou, ça va? J't'emmène loin de Panama. C'est que j'aime bien ta ganache. Y'a les flics, j'me dépêche. Oh, non. Oh, mama, mama mia. Oh, non. Oh, mama, mama mia. Chihuahua, chihuahua, et j'danse dans la chedou. Chihuahua, chihuahua, j'suis fou, j'crois que j'suis chez tout. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua. Ouh, ah, j'suis tout seul, j't'écoute pas. Dra, dra, vol pétard, tu bouges pas. J'ai deux puces, les barrages, les cages, m'en débarrasse. On danse la lampada, le guetteur crie, ça passe. J'suis chez tout, tout, tout, tout, t'as les fou, fou, fou. Je danse dans la douche, je fais des sous sous sous, pas le temps pour les fifis, donc je mets des vaches. Moi je veux la momo, une grosse quiche, quiche, quiche, quiche dans la sacoche. Je les prends pas dessous et je les prends pas dessus, que ce mèche te couche. Oh non, oh ma mamma mia. Oh non, oh ma mamma mia. Chihuahua, chihuahua, et je danse dans la chedou. Chihuahua, chihuahua, je suis fou, je crois que je suis chez tout. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua. Chihuahua, chihuahua, et je danse dans la chedou. Chihuahua, chihuahua, je suis fou, je crois que je suis chez tout. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua. Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua.